Jeune, bonjour. Avec Mélanie Samar, aujourd'hui nous allons évoquer les démarches à effectuer à la fin des études. Oui, c'est pour tous ceux qui terminent leurs études et qui s'apprêtent à rentrer dans la vie active. Bien, il y a une démarche importante à effectuer, c'est celle de s'inscrire comme demandeur d'emploi, soit auprès du Forem pour la région Wallonne, soit auprès de l'Orbem pour la région bruxelloise. Pourquoi est-ce indispensable ? Bien, il y a plusieurs raisons qui rendent cette démarche indispensable. Tout d'abord, elle permet de se faire connaître sur le marché du travail et de bénéficier des différents services proposés par le Forem et l'Orbem. Il y a l'accès aux offres d'emploi, leurs services d'accompagnement et d'aide à la recherche d'emploi, etc. Mais cette inscription, c'est également une condition nécessaire pour ouvrir ou maintenir son accès à certains droits sociaux, comme le droit aux allocations d'attente ou aux allocations familiales, par exemple. Quand exactement doit-on s'inscrire ? Alors, la règle générale, c'est qu'il faut s'inscrire le plus tôt possible après la fin des études. Pour les étudiants de moins de 18 ans qui terminent leurs études fin juin, ils doivent s'inscrire au plus tard le 8 juillet et pour ceux de plus de 18 ans, au plus tard le 8 août. Et en cas de deuxième session ou de dépôt de mémoire, l'étudiant peut tout de même s'inscrire à ces mêmes dates. Si on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire, par exemple si on hésite à reprendre des études à la rentrée, il faut quand même s'inscrire ? Oui, le mieux c'est toujours de s'inscrire même si on a un petit doute. Si finalement on décide de reprendre des études, il suffit de le signaler au service de l'emploi, Forem ou Orbem. Quelle est la marche à suivre pour s'inscrire comme demandeur d'emploi ? Eh bien, on peut s'inscrire soit en se rendant personnellement au bureau du Forem pour ceux qui résident en région Wallonne ou de l'Orbem pour ceux qui résident en région bruxelloise ou via leur site internet www.leforem.be ou www.orbem.be. Et pour ce faire, il faut remplir un formulaire type qui reprend entre autres les données personnelles, le détail des études année par année, les autres compétences ou expériences, mais aussi les souhaits professionnels pour le futur. À l'inscription, on reçoit plusieurs documents. L'attestation d'inscription A23, qui est un document sur lequel figurent notamment les dates de début et de fin de stage d'attente, et le formulaire C109, document qui servira pour la demande d'allocation d'attente. Un accusé de réception est également envoyé au nouvel inscrit dans un délai de 3 semaines. Juste après cette inscription, que se passe-t-il ? Eh bien, suite à cette inscription, c'est ce qu'on appelle le stage d'attente. Il s'agit d'une période de plusieurs mois qui débute au moment de l'inscription comme demandeur d'emploi et qui se termine le jour où on peut faire valoir effectivement ses droits aux allocations d'attente. La durée du stage, eh bien, il varie entre 6 et 12 mois en fonction de l'âge. Comment se déroule le stage d'attente ? Il y a des obligations à respecter ? Oui, il y a toute une série d'obligations à respecter durant ce stage d'attente, qui n'est surtout pas à confondre avec une période de vacances, entre guillemets. Pendant ce stage, la première obligation, c'est être disponible sur le marché de l'emploi et actif au niveau de sa recherche d'emploi, c'est-à-dire postuler, se présenter à des employeurs, etc. Et il faut également pouvoir répondre rapidement à toute convocation du Forem ou de l'Orbem, sans oublier de les avertir dès qu'un changement intervient dans la situation personnelle et professionnelle. Si on change d'adresse, si on a trouvé un travail à temps plein ou à temps partiel, si on termine une période de travail et toutes ces choses-là. Pour les allocations familiales, la mutuelle, qu'en est-il pendant ce stage d'attente ? En règle générale, les jeunes demandeurs d'emploi peuvent continuer à percevoir les allocations familiales jusqu'à leurs 25 ans, pour autant que leur revenu n'excède pas un certain montant. Pour la mutuelle, eh bien, la règle c'est qu'on peut rester à charge de ses parents tout au long du stage d'attente, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, il faut obligatoirement s'inscrire comme titulaire. Plus de questions et plus de réponses sur inforjeune.be au 070 233 444 et dans votre journal Vers l'avenir.